espèce humaine, portière de son espèce humaine, la race à part au cœur des reins, pêle-mêle des génocides, pollution et bombes atomiques, famines et guerres méphitiques, des corps morts pour des corps perfides, laissez-filer la journée, laissez-filer la journée. Cherche ton petit bonheur comme un paisible randonneur, sans randonneur pour substrat, de quoi vivre sans artifice, bien loin des rêves insensés, pas besoin de vie sensée, de croire de gloire et de vice. Laissez filer, filer la journée. Changement climatique, du chaud et de l'effroi critique, en cet endroit c'est bien l'enfer. Laissez filer la journée, laissez filer la journée, laissez filer la journée, laissez filer la journée. Certains s'évadent par la cesse et prennent la route Gandhi. Grandis en totale harmonie, leurs armes diffoubes se taisent. Mais tu peux aussi bien te droguer.